Il a été la grande vedette de la fin de semaine au Grand Prix de Valcourt. On parle évidemment de Tim Tremblay. Tim Tremblay qui a remporté dans toutes les catégories. Question de savoir un peu que si c'est inattendu, si la compétition était forte, on lui parle. Salut Tim. Salut. Tim, en fin de semaine, est-ce que c'est vraiment, parce que ça va encore très très bien ta saison, mais remporter le Grand Prix de Valcourt, c'est particulier, hein? Ouais, écoute, ça va très bien ma saison. Puis remporter le Grand Prix de Valcourt, c'est toujours le fun parce que je vois toute ma famille, mes amis, puis tous mes fans du Québec. C'est la seule course qui me voit courser, donc de gagner devant eux autres, là, ça. C'est vraiment le fun. OK. Est-ce que c'est une piste qui est difficile? Est-ce que qui demande beaucoup de réglages? Les réglages, c'est toujours différent. C'est certain qu'on s'ajuste avec la température, l'état de la neige, l'état de la piste. Fait que c'est toujours différent. Mais non, c'était pas trop difficile à track en fait. Je te dirais que c'était même peut-être un petit peu trop facile, puis toujours trop bien préparé et refait. Donc, c'était pas assez magané pour moi. Je pense que j'aurais gagné avec plus d'avance, ça aurait été plus magané et plus physique. OK. Je pense que tu as remporté que 32 secondes. Donc, c'est quand même une belle victoire, hein? C'est vraiment été ça. Non. Ouais? Non, j'ai pas remporté que 32 secondes. 30 secondes, OK. Non, non, je pense pas. Je pense que c'était 6 ou 7 secondes que j'ai Ah, OK. remporté. C'était pas tant que ça. Parce que j'avais vu sur le site Snowcross, le Grand Prix de Valcourt, puis c'est ça comme. Peut-être que j'ai mal compris là-dessus. Donc, Valcourt, parle-moi de ta saison. La saison va très très bien encore, hein? Oui, la saison va super bien. On est premier au championnat depuis dans le fond, la troisième course de l'année. Puis j'ai 31 points d'avance, donc on mène le championnat national aux États-Unis là. Donc je suis très content de ça. Puis on va espérer continuer pour gagner le championnat. OK. Dis-moi, est-ce que 31 points d'avance, est-ce que c'est insurmontable ou c'est vraiment là, c'est vraiment pratiquement, ou c'est encore accessible ou c'est une bonne avance? Non, c'est pas beaucoup. C'est Pas pas beaucoup beaucoup, parce OK. qu'en une fin de semaine, on peut faire plus que 100 points, je pense. Donc, OK. les qualifications sont vraiment importantes parce que quand tu gagnes les qualifications, tu peux faire 6 points de plus qu'une deuxième place. Donc, je suis vraiment pas époustouflé de 31 points. Oui, c'est bien de mener le championnat, mais ça ne sera pas gagné, d'après moi, tant que la dernière course n'aura pas eu lieu, là. OK, les prochaines courses vont être à quel endroit et est-ce que c'est des courses qui des pistes qui favorisent Tim Tremblay? La prochaine course est au Michigan. Puis j'ai tout le temps eu beaucoup de succès là à chaque année. L'année passée, j'avais terminé sur le podium une ou deux fois. Je pense l'année dernière, j'avais gagné. Donc c'est une course que ça va quand OK. même bien pour moi. Puis après ça, l'autre piste, c'est Iowa. Ça va être la première fois qu'on va y aller. Puis ensuite de ça va être Lake Geneva. Donc c'est toutes des pistes que ça va bien pour moi, mais c'est certain qu'on peut pas dire que c'est tout cru dans le bec puis qu'on va gagner là. À chaque fin de semaine, c'est difficile, puis on donne notre 100%, puis on espère le mieux faire le possible. OK. Généralement, Tim, moi, je connais rien au snowcross, je vais être honnête avec toi. Par contre, en course automobile, lorsque c'est une nouvelle piste, ça demande plus de réglages, ça demande plus d'essai. Est-ce que c'est la même chose en snowcross? Non, pas vraiment. OK. Nous, ça va plus avec la température. OK. Ça va plus avec la température. La neige, c'est toujours la même. Ils font de la neige artificielle, donc ça va vraiment dépendre s'il fait plus froid, s'il fait plus chaud, comment que la neige va être démêlée, puis la distance de la track. Mais on a vraiment des bons ajustements, puis on a une bonne équipe. Donc, à chaque week-end, on sait à peu près où est-ce qu'on va commencer. Puis après ça, c'est du fine-tuning jusqu'à la finale le soir. Okay. En parlant d'équipe, il y a combien de monde qui travaille dans ton écurie? Dans mon équipe, il y Ouais. a le team manager qui s'occupe de tout ce qui est programmation, puis tout ça sur la motoneige. Après ça, on a un gars qui s'occupe des clutches. On a un mécano qui sert un peu à tout faire. Ensuite de ça, il y en a un autre qui fait les suspensions, moteurs. Après ça, on a deux gars de suspension, des ingénieurs de BRP. Donc, à chaque week-end, c'est de 6 à 8 gars là, qui travaillent sur notre équipe. Là. Ouais, c'est quand même tout qu'un travail pareil. Hein. Puis moi, ce qui m'épate, Tim, c'est que tu es un gars d'ici, du coin, puis tu mènes aux États-Unis, puis personne ne parle de toi. Ça m'épate pareil. Hein. C'est vraiment. Là, moi, je suis plus connu aux États-Unis que. Qu'au Québec, là, mais c'est à force de faire des entrevues comme ça, puis que des annonces dans le journal, puis tout ça, que le monde, ils vont reconnaître ça, là, mais c'est que je suis fier de ça, de venir du Lac-Saint-Jean, puis d'être aussi loin, puis de gagner des championnats, puis c'est pas être fier de ça, d'un gars qui vient du Lac-Saint-Jean. Ben oui. De cœur, puis que. Qui abandonne pas. Là. Ben, c'est clair. Là. Ben, regarde, fais-toi-en pas. Il y a un gars qui s'appelle Éric Gay, en fait, semaine dans le ski alpin. Il est plus populaire en Europe qu'au Québec. Donc, c'est pas un cas isolé, là, ce que tu vis là. Donc, prochaine compétition, Tim, c'est quand? C'est dans 2 semaines. Il y a peut-être une possibilité que je course à Chicoutimi en fin de semaine, mais okay. Je suis pas certain encore à 100%. Okay. Mais sinon, la prochaine, c'est pas en fin de semaine, mais en fin de semaine prochaine. Mais pour toi, ce serait plus que comme une démonstration, là, une exhibition pour toi, là? Ben non, ce serait non? Des courses à courser okay. Courser avec le monde. Là. Ah, ok. Courser, puis, mais je suis pas certain encore. Je fais des tests avec BRP cette semaine, donc je sais pas... quand que je vais pouvoir me libérer de tout ça. OK. Ben, Tim, félicitations encore une fois. On va se reparler au cours de l'année, ça c'est certain. Ouais, parfait, merci beaucoup. Donc voilà un des nôtres, Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc qui mène au championnat national de snowcross aux États-Unis.